cette grenouille, c'est une grenouille prophétique. Pour émettre la semaine prophétique. Une prophétie qui englobe juste à l'été. Amen. Amen. Amen. Je vous aime. Souvenez-vous, chaque fois qu'on avance, n'oubliez pas les cartes, il faut d'abord nous mettre les cartes et la tête de mon ami. N'oubliez jamais cela. D'accord. Donc cette malaise session ne va pas durer. Parce que c'est une nouvelle venue, je sais que pour vous, c'est vous allez vous fatiguer vraiment monter. D'accord. Ça va durer. Et par conséquent, à un moment donné, si le fait de lui permettre, il donne des risques de personnes, on ne va pas. Il faut suivre les cartes pour avoir davantage de cartes, n'est-ce pas? Donc si il regarde en esprit, il voit les versets qui sont disponibles, qu'on peut lire facilement, que vous voulez citer dans quel esprit. Et les autres, il faut que vous les notiez, pour que vous les avec vous. D'accord? Vous voyez les choses clairement différentes. Si on va lire tout le monde, vous allez voir les effets. Vous avez mis tout le monde de façon. Vous avez dit, non, j'aime l'histoire de Esther. Et vous prenez seulement la Esther, je ne parle beaucoup de choses de chance. Vous ne pouvez pas les verser. Je vais continuer, mes chers frères. Donc j'ai deux personnes à qui me donner deux messages, qui sont des femmes. Je vais les donner du Dieu, parce que ça, c'est à l'Esther. Donc je commence encore pour cette période, vous allez écouter mon message. Je veux que quelqu'un qui essaie de compléter avec mon bâtiment, tout réduire tout ça en avant. Et tout avec le Dieu, je vous le dis parce que je suis attaché à cela. Je veux que vous sachiez que la même chose que les hommes naturellement n'aiment pas la correction. C'est-à-dire que les gens vont être comme si la personne qui m'a cherché et dit merci. Tant que je dis que le bon Dieu peut me croire, elle veut m'aider. Vous savez, c'est ça? Je n'aime pas la correction. On ne peut plus dire avantageux. C'est comme même si vous avez fait ma cité à l'église, au moins vous plus mal quand même, c'est bien pour elle. Parce que les gens aiment quand on les dit, aiment que le dit que, si ma femme, je n'ai pas le fait, bien qu'elle soit comme une chicole. Je demande aux gens qui ne font pas le fait. Il ne sera jamais dit que le fait, c'est la même chose. On peut commencer, mes chers frères. Prions pour la troisième session. Prions. Père, très haut, nous te remercions pour la force que nous avons eu de vivre jusqu'à ce moment. Seigneur, dans cette troisième partie, Père, le temps pour ce qui sera dit, mais pour toi qui fais toujours, et c'est ta parole à toi. Tu as commencé par nous montrer dans la parole que toi, tu nous as éloignés à des milliers de kilomètres de toi, et que nous ne pratiquons pas l'amour et la charité, tels que tes premiers disciples, qui sont des modèles des magies chrétiennes, ont été présents. Et nous sommes tellement aveugles par les biens matériels qu'ils ont fait, que nous avons perdu la direction. Nous avons été déboussolés par les freins de ce monde aussi. Et par contre, nous avons commencé à suivre les principes du monde, et nous pensions que c'était servi. Mais à cette heure, Père de gloire, tu as voulu que ta parole soit afin que nous la pratiquons. Seigneur, tu as toujours commencé avec un petit nombre afin que ça puisse prendre le feu. Comme tu as dit, le feu, une lame ne fait que prendre embraser toute une grande forêt. Tu veux, au Dieu de gloire, que ça passe d'ici pour embrasser et pour rendre les cieux. Et Père de gloire, puisqu'il est écrit dans les cieux, que c'est dans les villes, nous avons cela a commencé. Que c'est dans les saints, dans ces régions, qui sont venus de part et d'autre, pas pour voir les noms, mais pour recevoir les gloires. Que c'est Dieu qui a commencé. Comme la foi des désamis a été si renommée dans le monde entier, si renommée dans la toute la Caïe, dans toute la Macédoine entière, tout ça qu'on n'a pas besoin d'ignorer. Que la foi de ce peuple soit renommée dans le monde entier, dans la pratique de la foi de l'Église. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, frère. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ils avaient tout. Pendant qu'on a parlé, vous voyez, maintenant comment. Vous voyez comment vous souffrez avec vos matériels, n'est-ce pas? Vous souffrez vraiment maintenant parce que vous n'avez pas une expression de véritable amour, n'est-ce pas? Amen. Vous souffrez des handicaps parce que certains d'entre vous ont des personnes charnées autour de vous qui ne peuvent pas comprendre si vous manifestez cet amour, n'est-ce pas? Vous allez commencer à comprendre maintenant que vous avez pris cette façon de faire pour vous appuyer sur Jésus-Christ. Vous allez vous appuyer sur Jésus-Christ. Nous allons vous appuyer sur le Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes que vous pas. Alors ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs propriétés et venaient donner. Déposé au pied des apôtres qui faisaient la distribution à ceux qui le voulaient. Sur cette point, je voulais m'arrêter pour vous dire quelque chose. À partir de maintenant, de cette semaine-ci, jusqu'à 15 jours de vente, je dis à partir de maintenant, comme ça, je ne sais pas quel jour nous sommes, jusqu'à 15 jours de vente, je suis à votre entière disposition à la maison. Pour ceux qui connaissent la maison, vous connaissez la maison, vous savez que c'est accessible. Donc je vais m'atteler à rester à la maison tous ces jours-ci dans la présence du Père pour vous attendre. Venez quand vous voulez. Comme vous voulez, pour qu'on en parle par rapport à ces choses-ci. Comme vous voulez, vous venez, les personnes qui viennent, c'est venez sur deux ans. Je dis par rapport à ces versets qu'on vient de dire. Vous venez sur deux ans. Soit vous venez pour venir donner quelque chose pour les saints. Soit vous venez pour poser que vous avez un problème. Vous savez exactement quels sont vos problèmes. Pour que s'il y a un récitant, qu'on puisse faire la distribution sur un élément de tout, on peut venir pour faire la distribution. Pour qu'on voit exactement quelle personne est venue, quelle personne est venue. cela, j'ai que des gens qui m'ont envoyé pour associer ici, afin que plus tard, je m'en débarrasse même pour m'occuper de la prière de la parole normale. D'accord. Vous me saisissez, n'est-ce pas? Et comment ça se passe? Je suis disponible pour que si vous me faites maintenant, prêt, vous venez à la maison. Si vous avez quelque chose en faveur des saints, vous venez de nous au saint. D'accord? Vous venez à la maison de nous. Maintenant, quitte à vous maintenant de dire, frère, je veux pas en donnant, tu déclares que c'est moi qui ai donné. Mais si vous êtes au milieu, on peut parler, vous voyez, vous savez, vous qui avez donné. Vous saisissez, n'est-ce pas? Ça envoie de vous si directement. Mais ce que je veux aussi qu'on vous dise, c'est que ce n'est pas un sujet de gloire. Parce qu'on ne donne pas pour ces glorifiés. On se donne pour comprendre vraiment qu'il faut que ça nous fasse du mal à chercher comment à subir ces choses. Donc, j'attends les gens à la maison de Dieu. Ben, ceux qui viennent donner, même ceux qui veulent donner peuvent avoir le besoin de quelque autre chose. C'est-à-dire, vous n'avez pas tout. C'est ça, n'est-ce pas? Okay. Deuxième chose, je veux les gens, que toutes les personnes qui ont des problèmes, venez à la maison de Dieu. Ah, d'accord? Jésus vous a dit, c'est maintenant 15 jours devant. Je vous dis avec vous, venez quand vous voulez. Venez quand vous voulez. Matin, midi, comme soir, quand vous voulez. Je suis entièrement emprisonné à Jésus là maintenant. Donc, je suis à votre service. D'accord, bien-aimé? Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Donc, l'instant que vous dites, c'est maintenant. Permettez-moi de vous dire donc le pourquoi et comment le support va donner dans l'église. Dans les enseignements, j'allais glisser, je peux rapidement pour glisser la dessus pour que ça soit fait à l'enseignement de la mémoire. Pourquoi est-ce que les pourquoi et comment est-ce que les offrandes sont données et suscitées dans l'église de la vie de l'église. C'est-à-dire, tout le temps, on fait une question. Pourquoi est-ce qu'on a pu donner l'offrande? À quel moment, d'accord? La Bible va devant nous répondre. Si la Bible dit que c'est comme ça qu'on vient de façon, il n'y a plus rien à ajouter, il n'y a plus rien à rétrancher. Mais les anglophones ont trouvé une stratégie. Cette stratégie vient des États-Unis. C'est-à-dire quand vous arrivez à la réunion, on vous donne deux anglophones. L'un va dire que tel anglophone, c'est ici. L'un autre qui donne la saisie des livres de prière. Et puis ton nom est lui qui compte là où tu as les diplômes que tu as. Tu mets dans cet enveloppe. Parce que tu mets dans ta, avec ton thèse de tu mets dans cet enveloppe, tu mets tes sujets de prière ici. Alors vous voyez, c'est intégrement très fantastique. Parce que quand le pasteur met les livres prophétiques, il va déclencher ta bénédiction. Celui qui fait ça au tout le monde. Tu mets ton argent, c'est écouté ici. C'est pour lui. C'est que ton argent va répondre à ta prière. Tu vois ça, n'est-ce pas? Ah, donc, tu vois les gens qui viennent. Tu vois le presse, tu vois. On vend les choses de Dieu. Je ne savais pas. Alors, là maintenant, mes frères, il faut qu'on réponde à la Bible. Quand est-ce qu'on a fait l'offrande? Comment est-ce qu'on va faire les offrandes? Il faut qu'on voit cela. D'accord? Voilà, il faut qu'on voit cela. Dans le Nouveau Testament, vous d'abord, il n'y a pas de panier d'offrande. Bon, il n'y a pas de panier d'offrande au milieu de l'assemblée. Il n'y en a pas, ça ne trouve pas. Parce qu'on n'est pas dans l'assemblée. D'accord? Dans les livres du Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas de panier d'offrande. Il n'y a pas de ministère de l'offrande. D'accord. Maintenant, dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, dans le fonctionnement de la vie chrétienne, dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, les offrandes sont suscitées de deux raisons. Deux raisons. Et ce n'est que les deux là qui sont dans l'église. Je recommence encore. Dans l'église, dans le fonctionnement de la pratique de l'église, dans la vie de la vie, c'est suscité de l'église. D'accord. Les offrandes sont suscitées. On donne les offrandes au début. Il n'y a pas trois. Il n'y a pas trois. Début. D'accord. Les offrandes. Ne vous inquiétez pas, frère. Je vais seulement les saisir à mes dispositions. Tous ces enseignements qu'on va mettre dessus, vous les distribuer. Vous les distribuer. Que vous avez vous-même, parce que pendant que vous êtes là, vous avez encore les taxes dans vos yeux. Il y a pas mal comme ça. Ça rentre dans le monde. Alors, vous donnez tout sur le CD. Vous le suivez, le CD pour bien vraiment assurer cela. Parce que je sais que c'est courir à ça, comment faire. Ok. Donc, dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, il y a deux buts pour. Je ne sais pas. Deux buts. Il n'y en a pas plus de deux. Il y a deux buts. Il n'y a que deux. C'est ce que la Bible présente. Et il y a exactement quand ces offrandes ont été suscitées. D'accord. Première chose, les offrandes ne sont pas données chaque fois qu'on fait le culte. On se réunit pour plus. C'est pas ce qu'on a dit. Alors, si ce n'est pas comme ça, alors, comment est-ce que la Bible présente cela, d'accord? Comment est-ce que la Bible présente? Pour que la Bible présente comment on peut le faire, à quoi sert l'offrande? L'offrande sert, les offrandes servent donc à deux buts seulement, deux buts dans la Bible. Premier but, ça sert à répondre aux besoins présents. Premier but, c'est le but des offrandes. Ça sert à payer les choses. C'est-à-dire, comme on l'a dit, quand un seul ami, on lui donne quelque chose, vous comprenez quoi? Vous y êtes. Donc ça sert à répondre aux besoins des seigneurs. Les offrandes sont situées dans le but pour répondre aux besoins précis du Saint. Vous y êtes. Donc pour cela, prenons deux passages rapidement. 1 Corinthiens chapitre 16. Donc j'imagine que parmi vous, vous venez, vous ne savez pas si pourquoi nous sommes venus ici. Mais est-ce que vous venez quand même pour faire répondre? Vous y répondez présent. Et pas qu'on va avoir une autre session, on va seulement prier, n'est-ce pas bien? Ou bien, et la prochaine session, la suite, on va aller dans son appel de venir. C'est pas vous à venir, à venir, vous venez que vous prochainement. Venez seulement à faire. C'est comme vous pouvez le faire. Donc, j'ai dit, les offrandes sont faites, pas chaque fois, parce que quand on est venu, on ne pas de quoi. Mais je fais des choses. Aujourd'hui, les pasteurs, ils partent au deuil, ils prêchent sur les morts, ils demandent les offrandes. Il prend dans la voiture, il demande les offrandes. Il vient jeter chasser un démon, il demande les offrandes. Il te donne une prophétie, il demande les offrandes. C'est grâce, c'est malheureux, c'est la construction. Alléluia. Ok, donc, 1 Corinthiens chapitre 16, verset 1, à partir du verset 1. Allons-y, vraiment à haute voix. 1 Corinthiens 16, verset 1. Oui, il est écrit. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints. Stoppons là-bas. Les saints écrits nous donnent déjà que la collecte est faite pour qui? C'est tout l'écriture. Nous ne pouvons pas changer ça. Pour ce qui concerne la collecte en faveur. La collecte est faite en faveur. C'est la cour qui a demandé de parler. Souvenez-vous, c'est Jésus qui lui a demandé des prescrits. Il donne des instructions en tant qu'apôtre, autorité et l'Église. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, il est donné deux choses. Il écrit comment on doit gérer cela et il appelle comment il donne le nom de collecte. C'est une collecte qui fait tous les saints. Vous avez compris? Ok. Maintenant, avant de continuer sa lecture, vous allez voir quelque chose. Dans Galates chapitre 1 et chapitre 2, il va expliquer qu'il était inconnu aux frères dans la Judée. Il avait seulement entendu que tout ça de paraphraser l'apôtre Paul dans Galates chapitre 2. Lorsqu'on a vu Jésus qui est allé à Jérusalem par les gars, encore la réunion a été chez ses parents. Quand on a vu son Jésus. Alors la Bible déclare, vous avez moi frère, quand même curieux ça. Vous mangez plus, ça vous endort, c'est le mandat. Je ne peux pas sinon prêcher à Jérusalem. Donc, il dit donc que j'étais inconnu aux églises de la Judée, dans ce chapitre 2 de Galates. Après, il m'a dit ceci. Écoutez très bien. Lorsque les autres apôtres qui étaient apôtres avant moi ont vu la grâce de Dieu qui était sur moi, il me donnait la même, et à moi et à Barabbas, la même d'association, afin que nous allassions aussi chez les païens, et qu'eux partent chez les juifs. Nous avons étudié Galates. Il nous a seulement prescrit seulement de nous souvenir des pauvres, chose que j'ai puisse prendre le père. Donc les apôtres connaissaient ce principe en leur milieu. Dès qu'on a rencontré l'apôtre, ils ont dit, mais Paul, on a dit, c'est toi qui tu es le père, tu persistais le père du juif. Après, Paul nous a raconté exactement comment elle a appris. Moi, j'ai approché, on est la même païen. Qui est un être pour amener le païen, je pense que c'est bon. C'est-à-dire qu'en fait, si on comprend comme nous, c'est même ce que Dieu nous a dit. Mais, comme vous avez vu que vous prêchez, souvenez-vous des saints, des pauvres qui sont venus de nous. Il dit, ok, c'est un père, nous allons. Alors, c'est pour ça aussi l'une des choses qui va faire maintenant. Et cette saint, c'est quelque chose qui était à Dieu, à Zaret. C'est là, n'est-ce pas? Donc, les collègues sont en faveur des saints. On ne fait pas pour distribuer tout simplement pour dire que prenez la nourriture sur tout le moment. Ce n'est pas comme ça. Écoutez, très bien. La chose du Seigneur, ce n'est pas le salata, salata, salata. C'est pas ça. Le Seigneur, c'est pas tout le monde. C'est que si cette sœur-ci a de la nourriture chez elle à manger, et qu'on a mis la nourriture sur lui, elle n'a plus besoin de ça parce qu'elle a la nourriture à la maison. On regarde ceux qui n'en ont pas pour leur donner pour qu'ils s'en soient aussi comme celle-ci. Vous savez, n'est-ce pas? C'est pas qu'on dit selon vos besoins de chacun. Elle n'a pas besoin de la nourriture. Une autre personne a besoin de la nourriture, elle est gueule. Elle ne doit pas, il faut qu'elle comprenne ses principes. Vous ne pouvez pas mieux que, ok, comme c'est un bambouliqué qui a donné. On ne maintenant qu'au bambouliqué que moi je suis bas, ça ne veut pas, je comprends. Nous, c'est comme ça que moi je suis. Mais il n'y a pas ça dans l'église du Seigneur. Il n'y a pas ça dans l'église du Seigneur. C'est pour ça qu'il est important d'expliquer tous ces principes. Quand il y a des choses que les gens ne vont pas avoir de mauvaise pensée, écoute en fait le Seigneur. D'accord? Donc, il dit donc, pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, après ma continuer, il a dit, agissez pour vous aussi, comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. L'apôtre vient d'établir cette règle ici, que comme je vous écris à vous les Corinthiens, c'est le même principe pour les églises de la Galatie. Donc, on dit que ça n'a pas changé. Ce n'est pas que vous faites comme ça. Vous le faites comme ça. Chacun peut faire comme il veut. Une seule règle. on doit agir de la même façon dans toutes les églises. Alors maintenant, si c'est condé et que c'est ce que Dieu a prescrit pour qu'on puisse les observer, c'est valable pour celui qui est. Est-ce que vous entendez mes bien-aimés? Amen. Ok. Il dit, pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi. Si ça fait son corrigé ici. Agissez vous aussi. Quand vous voulez faire les collectes pour les pauvres, pour les saints qui sont au milieu, pour ceux qui sont dans la maison, quand vous voulez faire vos collectes là, il dit agissez vous aussi comme je l'ai ordonné. Donc il donne l'exemple comme vous le dites. On ne dit pas que tu es qui. Mon prophète voit l'autre. Mon prophète est plus de Dieu que la faute faune. La faute faune est authentique dans la vie parce que quelqu'un maintenant dit autre chose, il peut être hors de la vie parce que si je n'ai pas continué dans la Bible, je m'en éloigne. Ce sont les piliers qu'on a fait aujourd'hui. Les piliers qu'on a mis aujourd'hui. Ah, si c'est écrit dans la Bible, on reste dans la. Si ça sort de la Bible, je ne suis pas là-bas. Si vous voulez croire quelqu'un qui a écrit quelque chose, ou bien qui pratique quelque chose hors de la Bible, mes chers amis, c'est votre problème. Moi, je reste dans la Bible. Parce qu'il pourrait dire que c'est ainsi par la parole. Je ne sais pas sur quelle base tu vas aller te justifier devant Dieu. Si la Bible, il y a un tome Dieu de la Bible ou chapitre français de la Bible, c'est ton frère avec ton prophète, avec ton pasteur. Chaque d'Élie Bertrand reste dans la Bible. Oui, je reste là-dedans. Alors il a dit que pour ce qui concerne la colère en faveur des saints, laisse la bibliothèque là-bas. Pour ce qui concerne la colère en faveur des saints, agissez vous aussi. De la même façon comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Aux églises au pluriel. Les églises de la Galatie. La Galatie, c'est une province romaine. Regardez votre carte. C'est une province romaine. Comme Yaoundé, par exemple, pouvait en parler. C'est une partie que Yaoundé, parce que la province romaine était totalement des pays. Alors c'était suffisant en district. Dans chaque district, il y a des églises locales, les villes locales, les villes locales. Et toutes ces multitudes d'églises locales dans cette zone-là forment donc les églises de la Galatie. Donc on dit que même les églises qui cherchent à s'appeler local. Il est pour ce qui concerne la colère en faveur des saints. Donc, bien aimé, la colère est faite en quelle occasion? Donc, c'est destiné pour. Alors maintenant, ceci exclut le fait que quelqu'un de Dieu là-bas dit que donner la colère pour construire l'église, ça n'est pas public. Ça se trouve pas dans la Bible. Il a déjà construit son empire babylonien. Donc il a dit de voir recruter les gens comme numéro 1 d'écrité, qu'on puisse faire des briques, que chacun apporte à part des briques pour construire cette chose-là pour montrer que nous faisons un nom. On finit par mettre le nom. Mais l'anneau du nom, c'est parler de la gloire, des abominations. Remarquez, frère, sa source de cela, Genèse chapitre 10 et 11. On va parler de Babylone, la grande. On va parler de la gloire. D'accord, maintenant qu'il était là, il me dessinait des choses, il me montrait en parallèle. Je cherche à dessiner, c'est ici dans mon esprit. Il dit pour ce qui concerne la colette en faveur de ça. La colette est faite en faveur des saints. Donc la colette n'est pas en faveur de quelque chose. Autrement dit, les êtres vivants qui sont sur la terre, qui ont accepté Jésus, qui forment l'église du Seigneur Jésus-Christ, sont ceux à qui les biens matériels qu'on vend, les biens matériels pour être distribués maintenant, doivent servir. Donc, on ne construit pas les briques, on construit les pierres vivantes. Dis à ton voisin, on ne construit pas les briques. Des monuments. Des cathédrales, les hommes antiques qui vont se réunir pour faire ces cérémonies. Mais on construit les édifices vivants. Avec les pierres vivantes. Que sont toi et moi? C'est vrai dire que, remarquez très bien comment les gens se laissent vendre. Vous êtes ici comme ça, vous êtes pauvres. Vous avez de l'argent, vous ne pouvez pas manger. Vous allez quelque part, vous dites, apportez l'argent, mettez Dieu à l'épreuve. Je vois quelqu'un qui peut donner 3 millions ici. Tu peux prêter ton argent. Tu peux donner, tu peux faire un projet pour que la personne se vende plus. Vendre plus tard, donc, j'avais dit, vous êtes déjà, c'est mon âme, il se vend. Il se vend avec ton argent, tu es venu donner, quand tu donnes à Dieu. C'est pas comme ça que tu penses que c'est lui à Dieu. Mais il faut qu'il donne quelque chose là-bas. Parce que tu vois qu'en disant comme ça, je vais pousser que les gens fassent se repérer pour dire que non, tu sais, c'est ma servante. Plus pour elle. Tu as compris? Avec ton idée corrompue de pentecôtisme là, tu as compris? Avec ton idée corrompue de pentecôtisme. Dieu du ciel n'est pas corrompu. Dieu du ciel n'est pas corrompu. On ne pose pas sa main avec les offrandes. On ne pose pas sa main avec les offrandes. Vous pensez que si vous donnez, quand vous célébrez votre vidéo, si c'est quelque chose comme ça, pour que le pasteur voit lui-même, tu as beau chanter de lui. Alors quand tu veux donner, vous pouvez donner à ses mains pour qu'il voit qu'elle va vous donner ma fille. Des fois, j'ai nommé la même chose qui n'existe pas dans la Bible. Tu es président de les diacres. C'est ma fille. Alors on cible parmi les gens ceux qui travaillent. Tu travailles où? Sonnette, tu es quoi, car? Tu es ancienne d'église. contrôle. Les gens comme vous êtes enseignés. Vous voyez, mes frères? Donc, la Bible est bafouée. Les critères de sélection des gens pour le service du Seigneur sont bafoués devant tout le monde et on dit servir Dieu. Les pasteurs divorcent, ils continuent à prêcher et les croyants continuent à y aller, à tendre les têtes comme ça que mange-nous, venez nous t'aimer quand même. D'accord, vous êtes ici. Il faut que ça s'arrête. Dieu a dû préparer son peuple. Il faut que ça s'arrête. Ceux qui sont de la lumière vont joindre le côté de la vérité. Vont lui périr et subissent ce qu'il faut suivre. Mais nous, chaque fois que les gens sont venus dans la vérité, ce sont les religieux. Suivez la porte qu'il faut dans la Bible, la porte de Pierre. Les rois même, Agrippa, qu'est-ce qu'il faut dire que nous ne sommes pas les culpabilités. Ce sont les dieux qui disaient la Bible, qui disaient que si on le haut Seigneur ne peut pas attendre. Il dérange. C'est ça, n'est-ce pas? Jésus-Christ, on a pris Barabbas, placé là-bas. On dit clairement que c'est quelqu'un qui avait créé la sédition. Donc les coups d'État, il s'est soulevé contre les Romains. Donc c'est le crime capital là-bas, donc c'est la condamnation à mort. On place Jésus-Christ là, c'est le prince des dieux au milieu. On dit lequel voulait qu'on libère du monde, on pouvait faire le Messie. Il dit l'homme, si vous voulez qu'il fasse ça, il dit crucifié. Là, voilà, c'est bon, c'est une merde, les juifs sont dangereux. Celui qui a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il mérite la mort? Il a été étonné. Il a dit, mon ami, on ne va pas savoir ce qu'il a fait. Il le porte du mur de nous. Tant qu'il est là pour manger. Alors, souvenez-vous, il faut qu'on nous le dise. On doit mettre du temps à ceux des glorieux martyrs qui ont eu à sceller les sangs pour que nous parvenions à cette connexion de la vérité, de la lumière, de la vie de Jésus. Nous dirons seulement Amen en soumettant notre esprit au divin créateur. Amen. Un jour, frère, a subi le tour de l'ennemi. Amen. L'ennemi chrétien s'est trouvé au milieu de ça. Amen. C'est ça. Béni pour ce qui concerne la colère en faveur des frères, agitez-vous aussi comme je l'ai ordonné au début de la galaxie. Alors maintenant, il continue à venir maintenant les réunions. Comment ils vont faire? Il ne dit pas que chaque culte. Il dit que chacun de vous, le premier jour de la semaine, que chacun chez lui. Remarquez, nous sommes dans un Corinthiens chapitre 16 là. Ça, c'est sûr. Il dit que chacun de vous, le premier jour de la semaine, il dit, n'attendez pas que j'arrive parce que la bouche pas, il se réveille. Il m'a poussé à quitter le lieu avec quoi aller à Jérusalem pour aller rencontrer ces saints là-bas. Alors, pour que les gens de Jérusalem comprennent que les gens de Galates, les païens là, ont aussi envoyé quelque chose de collège. Ah, donc j'ai aussi ouvert les portes chez les païens aussi, qui ressemblent des compagnements. On peut entendre dans le cas de la vie, je vous donne beaucoup de choses. D'accord, mes bien-aimés? Alors, il dit que, n'attendez pas que j'arrive chez Corinth pour qu'il m'assoie là-bas pour attendre pour faire les offrandes, peut-être les offrandes. Alors, il dit, chacun de vous, mettez chez lui, selon sa prospérité, selon ce qu'il peut faire, selon ce qu'il peut donner. Donc ça exclut le fait qu'on dit à quelqu'un donne 30 000, donne 3 millions, donne 1 000 francs. Donc tu donnes ce que tu... C'est que tu jauges le Seigneur. Quand tu dis que le Seigneur qui a donné dans la partie Seigneur, qui soit donné dans la partie, tu me dis 10 francs, c'est ton problème. Parce qu'il a dit dans Luc chapitre 6, verset 36, quand on vous mesurera, on vous sécoura, on vous mesurera selon la mesure que vous aurez, que vous serez serré. Vous êtes dans la tendue. On vous mesurera selon la mesure que vous aurez, vous serez saisi. Donc la façon dont tu sais le Seigneur, il connaît. Il va vous récompenser. Il rendra certainement à chacun selon son œuvre. Alors, si Christ est l'expression de ton amour, tu ne dois pas avoir de problème pour donner quoi que ce soit. Parce que je vous dis clairement là où nous sommes là, si Jésus apparaissait ici, il s'appelait, c'est la vie qui me donne ses biens. Vous tous, unanimement, parce que vous avez vu Jésus. C'est lui qui vous a dit, c'est un pas vrai. Alors, c'est pas vous avez une chair, mais qu'est-ce que vous en dites? C'est tout dans les chairs maintenant, les pauvres. Qu'est-ce que vous en dites? Si c'est tout dans les chairs maintenant, tout le monde a besoin. Qu'est-ce que vous en dites? N'était pas le même Jésus. Avez-vous déjà lu dans votre Bible, Matthieu chapitre 27, verset 31 à 43, où il a dit, car j'ai eu peur. Il dit, le jour qui va se rassembler, Dieu vous montre cette priorité. Il dit, j'avais eu peur, moi je n'ai pas mangé, une fois. Il dit, quand est-ce que vous avez vu dans ma Bible, chaque fois que vous n'avez pas assez, j'ai envie de croire, c'est à moi pour les gens. Vous avez ça dans votre Bible, il a dit, manquer de manifester la charité à un saint, de manquer totalement Jésus. Voilà pourquoi la charité est importante au milieu de vous. D'accord? Amen. Et alors maintenant, vous allez comprendre maintenant, Jean va passer son temps à développer dans tous ses épîtres l'apôtre de l'amour. Il va passer le temps, vous avez appris quelque chose dès le commencement. C'est que Dieu a dit, nous devons nous aimer. Nous devons nous aimer partout. Vous avez vu ça n'est pas? Il dit, c'est un commandement de vous. Nous devons nous aimer. Pourquoi il insiste tant de devenir apôtre de l'amour? Parce que je suis avec cette idée que l'unité va dans la vie. L'amour que nous allons dans la vie. Nous devons la valoriser. Où il y a l'unité dans la vie. Il y a la richesse qui a besoin de Dieu. Donc, pourquoi pas ça? Il faut qu'on fasse attention, bien aimé. Vous n'essayez pas. Alors il dit que chacun de vous, le premier de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra. Selon sa prospérité. Ce qu'il pourra. Ce qu'il pourra. Selon sa prospérité. Il met à part chez lui. Et quand dans le temps qu'il était en train de faire le colère, et quand je serai venu, je partirai avec les lettres, avec ceux que vous avez choisi. Donc les types choisis que quelqu'un parmi vous pour accompagner Paul. Donc la même façon, quand ça va dans une autre église, l'église de Jérusalem, ça veut dire que ça a distribué, comme on a dit là, on met au pied des apôtres. On fait la transparence avec ce que vous voulez appeler. Vous allez envoyer pour moi. Et si ça dit, ça nécessite que les femmes de Dieu partent seules. Parce qu'on peut parler des chrétiens. D'accord? Alors, quand ici, au milieu de nous, on donne. Donc, les textes de ça disent que, si je dis sous réserve que les personnes qui ont voulu qu'on dévoile l'identité. D'accord? Si les personnes ont dit qu'on dévoile l'identité, on dit que tel frère et telle soeur ont vendu leur bien, ils ont déposé quelle somme. Donc, il y a parmi nous telle somme. Et autre chose, nous devons enregistrer que telle sœur, tel frère, tel autre ont des préoccupations, ont besoin de telle ou telle chose. Alors frère, approche-toi, prends ta part. Selon la, je peux te poser, n'est-ce pas? C'est prends ta part, tu te prends. Les autres qui n'en ont pas, on se réjouit dans le Seigneur. Si elle reste, on garde pour que les autres sœurs, si les sœurs sont ensemble dans le besoin, on les endort. Alors si on entend que les églises, quand ils sont dans la ville, l'église qui se trouve dans notre branche a un problème. Parce qu'on va travailler comme ça. Les autres frères sont dans la ville, c'est le problème. La chose qui est ici, on leur approche là-bas, avec une belle église. C'est le frère. Amen. Mais on va avoir un avec le frère. Le frère dit que c'est les saints qui sont dans le privé. Parce qu'on peut travailler avec vous. Si les saints qui sont là-bas prennent une marge, c'est que le village, c'est plus que les jeunes dans le musée, sinon on est venu. Le premier dans le même temps. C'est le cas. Acte des approches, chapitre 11. Acte des apôtres chapitre 11, on a défini, d'accord? Il va commencer tout ça avec le pensée, dans la pensée, le temps de vérité va dans le sens. Priez pour moi, vraiment, priez pour moi. Priez pour moi. Priez pour moi. Acte des apôtres chapitre 11. Quelqu'un qui dit, vous le mettez maintenant. Acte des apôtres chapitre 11. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de, personnes crues et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et il envoya Barnabas jusqu'à Antioche. Oui. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il se réjouit et il les exhorta tous à rester dans leur père. Oui. Car c'était un homme de Dieu, un des chrétiens, oui. Une tout à fait nombreuse de l'église, oui. Rendu en plus de grâce. Pendant toute une année, il se réunit aux assemblées de l'église et il enseignait beaucoup de personnes. À partir de ce verset maintenant, allons-y au droit. En ce temps-là, les prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux nommé Agabus se leva et annonça par l'esprit qu'il y aura une grande famine sur toute la terre. Stop! Voilà pourquoi les dons spirituels sont devenus au milieu de l'église. Mais frère, si nous vivons comme l'église, Dieu peut pas nous dire qu'on n'aura pas de problème. Alors quand il y aura un signe, par exemple, un tremblement de terre, Dieu dit au milieu de nous, faites attention frère, il y aura un tremblement de terre, alors vous préserverez ces enfants. Vous pensez pas? Quand il y aura une catastrophe, un truc, peut-être une récession dans les banques, Dieu prévient qu'il y aura une récession. Ce qui est dans la récession dans les banques, en investissement dans l'eau. D'accord? Alors, Dieu suscite un prophète pour envoyer donc en Dieu. Il se lève, il annonce par l'esprit qu'il y aura une grande famine sur la terre. Dieu est en train d'appeler. Dieu est en train d'appeler une grande famine sur la terre. Alors ça va suivre les mondains. Ça va suivre les mondains de heureux. Peut-être qu'on ne va pas dire la meilleure manque de l'outil, les saints vont préparer. Pourquoi que Dieu on sait? C'est parce que pourquoi que nous mérissons l'amour? Nous mérissons l'amour pour que Dieu soit grand au milieu de nous. Pour que quand les gens vont pour se plus dehors, ils sont plus Dieu de la vie. Voilà beaucoup haram, voilà beaucoup haram. Voilà beaucoup haram. Vous savez ça? Voilà beaucoup haram. Ils sont en relation avec les gens qui veulent appuyer et utiliser là-bas. Vous voyez la situation. Donc les gens qui sont en train de utiliser pour attaquer le pays, pas le pays, mais le cible. Parce qu'on a mis ça une frère en prison. Alors ils veulent se faire ça, faire ces choses. Mais c'est pas les gens. C'est pas nous. On va les attaquer. D'accord. Ok, maintenant, supposons que ça soit arrivé au fait, on m'a dit que beaucoup d'argent va mettre le. Il y aurait une bombe le mardi sur le pont du Bouddha. Et puis chaque chrétien va le mettre. Et si on était réunis, parce que ainsi par l'esprit, mardi à terre, on est passé par là. Dieu s'en fout des choses qui vont passer par là-bas, parce que quand même, je vais vous protéger. Voilà, n'est-ce pas? Dieu dit que ne pas par là-bas. Et tu entends, boum, mardi. Le Seigneur doit être préparé là-bas. Dieu est venu, il est venu, il est venu, il est venu. Et la voie par cela, c'est par la charité qu'on a fait montrer là. D'accord? S'il y a cela, Dieu va vous mouvoir facilement. Mais ne pensez pas que vous venez de l'autre pour acheter Dieu. Cette idée-là, totalement. D'accord, mes bien-aimés. Ok. Donc la Bible dit donc ici, dans ce temps-là, les prophètes descendus de Jérusalem, l'un des nommés Agabus se leva au milieu de l'assemblée, annonçant par l'esprit qu'il y aurait une grande famille sur la terre. La Bible déclare que cette famille effectivement est arrivée sur son trône. Donc ça s'est accompli effectivement sur le roi Claude, n'est-ce pas? Maintenant, la réaction maintenant des voici les difficultés qui arrivent sur la terre. Diodore, le Saint-Esprit donne aux apôtres et aux disciples ce qu'il faut faire pendant cette période-là. Qu'est-ce qu'on dit, frère? Stoppez. Soulignez selon ses moyens, il faut le plus dans ces versets. On dit les disciples résolus. Regardez comment c'est automatique. Les disciples sont à Antioche. Ils disent bien qu'ils sont à Antioche. On a annoncé ça à Antioche. On dit maintenant, les disciples ont entendu comme ça. Ok. Dieu a tapé la famille sur la tête. Donc, on remarque que si c'est pentecôtiste, on va dire que bien aimé, prions pour enlever ces familles qui arrivent sur la terre. Ils prions pour ça au nom de Jésus. Pour que Jésus ne fait pas ce qu'il veut faire sur la terre. Que nous renversons les familles au nom de Jésus. Nous renversons. Et donc, vous vous préparez à tout à partir par là. Il dit que je vous donner des tribulations. Je change des tribulations. Je change des tribulations. Faites comme ça. Voilà, n'est-ce pas? Donc, Dieu prépare une famille qui doit venir sur la terre. Les disciples résolus d'envoyer. Chacun selon son. Selon ses moyens. Selon ses moyens, ils font quoi? Un secours frère qui a quitté la Judée. Vous avez entendu, non? Donc, comme la difficulté est en train d'arriver, on s'est réunis, on dit que maintenant, la famille, nous qui sommes à Douala, nous sommes totalement dans les besoins. Parce que si la famille vient, les gens qui sont dans le pont où il y a la terre sont plus avantagés. Pas vrai? Alors, les frères qui sont dans cette terre, la vie, les frères qui sont à Douala, ils sont fermés. Qu'est-ce qu'on va faire? Quand on a le manioc, on est selon ses. Chaque chose à résoudre selon ses moyens. Témoignage, c'est que les gens ont le champ de manioc. L'autre, c'est que c'est le champ de banane, le champ de patate. Cette chose, c'est pas normal, étant donné le plus. Alors, chacun dit, ok, je pourrais donner un galion de patate pour les frères des Douala, ou elle, quoi. On prend, on dit qu'il est envoyé par la main des sauts et des bananes, bananes, pour les frères qui sont au dans la Judée. Donc, on dit, dans cette famille-là, les frères dans la Judée étaient les plus exclus. Ils ont demandé donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Ils sont résolus, donc, à prendre à tâche avec les frères pour les bananes, parce qu'ils sont ceux qui étaient désintéressés, ils connaissaient mieux les églises, les besoins des églises. Ils ont pris ça pour envoyer aux frères, pour qu'ils puissent passer durant ce moment de famille à Jésus. Amen, frère. Amen. C'est mon épouse. Je rappelle que c'est une partie de l'histoire. Hein, mes frères? Je suppose que le message doit avoir une chose. Vous êtes d'accord avec moi? Je suppose que le message doit avoir une suite. Est-ce que cette semaine, s'il y a un cueillier quelque part? Il y a un cueillier. Je pense que vous avez vu ce que vous avez dit. Mais si il y a le cueillier devant nous. Hein? Quelles sont finies? Donc ça dit que rendez-vous dans le dimanche à 11h. Ou bien à 12h, mais quand à 12h, chacun prépare chez lui, avant de venir justement. D'accord? On finit ça. On finit juste tout ça et le reste du temps on prie, d'accord? Et on a le temps de s'asseoir maintenant, entrer, faire qu'on se prend la pompe et la communion, parce qu'on peut autant de nous. On n'a pas atteint la limite, parce qu'il y a plus grand chose encore, d'accord? D'accord, mais bien aimé. Mais c'est fini, dimanche prochain, rendez-vous à 12h, pour qu'on ait le temps de faire ce message-ci. Et puis on s'asseoir en partage. Si les gens ont le problème, on se pose au milieu de l'assemblée. Si Dieu permet qu'on prie, donc on puisse prier. D'accord, frère? Amen. On va prier. D'accord? Vous permettez? Amen. Nous allons maintenant la fin de Corinthiens chapitre 16, verset 11, verset 26, verset 29. D'accord? Pour le premier cas des offrandes, on va venir à ce moment-là pour prier sur le deuxième cas et pour le deuxième cas et pour le deuxième cas. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te remercions pour cette glorieuse journée. Nous te remercions, Seigneur, pour cette glorieuse journée que tu as destinée pour nous. Merci de faire ce que tu as préparé pour nous, ce que tu as donné pour nous. Merci au Dieu de gloire pour ce que tu as décidé. Père, tu n'as pas changé, tu as même Dieu au Dieu pour nous. Tu as disposé de cette nourriture pour nous donner pour nous. Et beaucoup d'entre nous avons été changés, Père. Père de gloire, tu n'es pas un Dieu qui ment. Tu dis toujours et la chose arrive. Si tu as déclaré que cette écriture doit être vécue, nous avons la vie pour nous. Et nous te remercions, Seigneur, parce que tu nous as choisi d'être ceux qui vont vivre cette écriture. Merci, Père, pour le choix que tu as fait de nous ici. Merci, Père, de gloire pour les saints, pour les frères. Merci, Père, pour tous ceux qui écoutent ce message dans le monde entier. Pour tous les frères qui vont prendre à cœur ici. Pour tous ceux qui ne comprenaient pas ce qu'ils n'allaient pas dans l'église, qui vont comprendre que le noyau s'en place et qu'on a quitté la voie de la charité, qui est le lien de la perfection. Père, nous prions au Dieu de gloire que tu touches le cœur de chacune des personnes par ces messages. Même les pasteurs qui viennent là, je te donne le visiter cette voie et vivre dans la communauté de la parole que tu l'as ordonné. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour tous les frères qui n'ont pas été ici, nous prions que les gens puissent être baisés, que tu le parles également avec eux, dans le nom précis du Seigneur Jésus. J'ai prié pour les mains de toutes les personnes qui sont ici, pour leur cœur,